On était des enfants sauvages, des poches trouées, des gueules décorchées, à se briser les dents de rage et user tout le béton du quartier. On n'avait pas besoin d'être sage, quelques vannes en signe d'amitié, à se foutre en l'air sur les plages de Strasbourg comme on l'imaginait. Et même si on a grandi, on s'est promis de rester des sales gosses. Et même si on a grandi, on porte en nous nos fractures et nos bosses. On était des enfants sans âge, on en a pris dans la gueule des crochets, comme les oiseaux se tirent de leur cage pour devenir enfin ce qu'on était. On n'était pas fait pour se taire, on n'avait pas appris à faire semblant. On rêvait tous de passer la frontière à Strasbourg, évidemment. Et même si on a grandi, on s'est promis de rester des sales gosses. Et même si on a grandi, on porte en nous nos fractures et nos bosses. Comme dans les chansons de Renaud, si on sautait dans les flaques, si on jouait dans les cul-de-sac, juste pour se faire marrer, quelques potes, une vieille sono, et on s'invite au voyage à Strasbourg ou dans le monde entier. Et même si on a grandi, on s'est promis de rester des sales gosses. Et même si on a grandi, on porte en nous nos fractures et nos bosses. Et même si on a grandi,